Bonsoir. Veuillez vous saluer les uns les autres, les unes les autres. Allez vous asseoir, allez vous asseoir. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Rebonsoir. On va prier, d'accord? J'ai dit, lorsque je suis avantageux pour nous, que je sois retiré. Priez également pour nous parce que le Seigneur vient d'ouvrir les portes. Il y a des gens qui sont dans le monde entier qui s'ouvrent, qui ont besoin de nous. C'est terrible ce qu'il en est. Allez seulement en prier et voir ce qu'il en est. C'est terrible au milieu de l'église. C'est terrible au milieu de l'église ce qu'il en est. Quand vous priez, priez seulement que le Seigneur envoie des moissonneurs à sa moisson. Des ouvriers à sa moisson. D'accord, frères et sœurs? Priez vraiment, qu'il envoie. Sinon, c'est le travail est à Dieu. Remarquez, vous êtes en prière. Je vais prendre quelques cas qui sont en train d'observer. Je suis en train de parler ici par rapport aux instructions. À ces instructions, regardez. Vous êtes en prière. Je vais vous donner quelques cas pour vous voir ce qui se trouve dans le monde. Voici une sœur, par exemple, qui a épousé quelqu'un qui est dans les loges. Et cette personne aussi pratique l'homosexualité avec même les bêtes. Mais porte la veste, rentre à la maison, va avec sa femme. Donc, celle qui est en train de regarder dans l'image, elle commence à voir des choses. C'est comme si elle est faible. Donc, elle a des choses qui marchent dans son corps. Elle ne connaît pas que c'est son mari, que c'est de la relation que son mari a avec l'extérieur. Mais quand il vient à la maison, c'est un homme respectable, respecté, avec de la veste, bien habillé. Mais il couche avec les animaux. Mais voici donc le vrai problème, c'est qu'elle est chrétienne. Son mari est sectaire. Qu'est-ce que vous allez dire à cette situation? Je lui dis, cette personne ne connaît pas qu'on connaît. Vous êtes quelque part, mais on vous connaît. Elle ne connaît pas. Je suis en pipé. Ce que je lui dis, c'est que quand il dit, priez pour que Dieu envoie des moissonneurs, des ouvriers à sa moisson, c'est, voici quelqu'un qui se trouve à l'extérieur du pays, qui est dans ces conditions. Vous êtes en prière, vous êtes dans le jeûne, dans la prière. Vous dites, Seigneur, qu'est-ce qu'il faut? Dieu dit, regarde ces personnes-ci. Je suis obligé de passer du temps dans la prière pour ces personnes-ci. Bien que les personnes ne me connaissent pas, je suis obligé de prier pour ces genre de personnes. Voilà les personnes pour lesquelles je passe du temps dans la prière. Je vais encore vous donner un autre cas. Voici deux jeunes filles. Celle-ci, ça, tous ces cas, je vais vous donner avant de toucher deux ou trois personnes de cette assemblée-ci là maintenant. Tous ces cas, si c'est à l'extérieur, voici une jeune fille qui habite dans une même maison. Ce ne sont pas des sœurs, mais elles sont sœurs du fait que ils appartiennent au même milieu religieux. C'est quelqu'un d'un autre pays qui est arrivé dans une maison et dans une autre personne aussi. Donc, ils ne sont pas dans le même pays. Ils n'appartiennent pas au même pays. Alors, ils habitent dans la même maison. Les conditions les obligent à habiter dans cette maison. Ils vont dans les milieux religieux, mais une d'entre eux est en train de fréquenter une autre loge. Mais ils sont dans la maison. Donc, c'est une sorcière ici. Mais ils sont en train de prier. Vous voyez ce qu'il en est, pas vrai? Vous me suivez, frère? Voilà les personnes pour lesquelles il faut qu'on prie. Voici une autre personne, c'est un garçon cette fois-ci. Ça, c'est le fils de quelqu'un qui est comme un diplomate. Parce que je suis en train de regarder, le passeport n'est pas ordinaire. Le passeport que la personne détient n'est pas ordinaire. Mais c'est quelqu'un qui a été consacré depuis sa naissance. Et censé servir à la louange de Satan. Le voici maintenant embrouillé. Donc quand il reste, c'est comme s'il perdait la connaissance. Il perd les secousses. Il perd le nom, comme on dit. C'est son père qui est cause. Qu'est-ce que vous avez fait? Mais le problème, c'est que la personne dit qu'elle est chrétienne. Voilà les difficultés que les gens ont à l'extérieur. Voici une autre qui se trouve en plein là, c'est le serpent qui est couché dans son ventre. La personne n'accouche pas, mais le serpent qui est couché dans son ventre. Il dit, vous êtes dans la prière, c'est le cas qui se présente. Il y a d'autres encore, un autre, que c'est un garçon qui a de la pornographie dans son téléphone. Il efface aujourd'hui, il télécharge demain. Mais c'est un chrétien. Il a chaque fois, il prie, il crie, Seigneur, Seigneur, Seigneur, aide-moi. Mais il a cela. Ici, il faut la délivrance. Il faut la délivrance. Je prends seulement des enveloppes là dans l'esprit, ce qu'il en est. Imagine par exemple le premier cas de cette femme-là, que son mari est dans la secte, qui vient comme ça là. Qu'est-ce que vous allez lui conseiller? Qu'est-ce que vous allez lui dire? Qu'est-ce que vous allez lui conseiller? Vous voyez pourquoi dans les choses des mariages, il ne faut pas s'aventurer n'importe comment. Est-ce que vous allez conseiller qu'elle quitte ton mari? Parce que ici, c'est la mort. Il n'a pas dit que si. Parce que vous voyez, les pasteurs disent maintenant que non. Si ça ne va pas, il faut te séparer. Il n'y a pas un verset comme ça dans la Bible. Parce qu'en réalité, dans toutes ces choses-là, il y a la solution. Le vrai problème, c'est au niveau du contact entre nous et Dieu. C'est-à-dire que quelqu'un puisse savoir dans ce cas-ci qu'est-ce que Dieu dit. C'est ça. Les façons que Dieu arrange les choses. Je crois que la sœur Malise est où? Où la sœur Malise? Oh, la sœur Malise. Ta vie dose maintenant, non? Les façons que le Seigneur résout les problèmes, vous ne pouvez pas savoir. Il y a une qui est venue à la maison. Enfin, c'est une femme. Elle envoie le message, ils ont des problèmes avec son mari. Son mari vient me voir. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Et son mari me dit que j'ai contacté un avocat. Vous appelez un huissier pour le constat parce qu'elle a abandonné. Sa femme ne veut plus entendre parler de son mari. Jamais il appelle maintenant que le monsieur là. Vous savez, j'envoie de toutes les couleurs avec mon épouse. De toutes les couleurs. Sa femme avait ma parole sur WhatsApp. D'abord, elle est d'abord quelque part. J'avance là ce soir avant de prier avec vous parce qu'il faut que je touche deux ou trois personnes ici avant d'avancer. Initialement, je crois que c'est l'année dernière, avant de voyager, j'ai dit, je te regarde dans une promotion. Elle m'a regardé, elle a dit, je n'ai même pas le diplôme si. Comment il veut faire pour avoir la promotion? Je lui ai dit, est-ce que Dieu a besoin du diplôme pour donner la promotion? Vous suivez ça, frère? Ça n'a pas fait. Voici, elle n'a pas le niveau requis pour la promotion, donc elle a eu. Elle a la promotion. Après, elle m'appelle, elle dit, j'étais à l'étranger. Après, elle dit, il faut que vous venez, on célèbre. Je dis à ma femme que la promotion là, est arrivée. Alors, il dit, ok, quand il revient au pays, maintenant, on va aller. C'est trop de mouvements là. On va voir. Je reviens au pays maintenant, c'est là où il y a problème. J'arrive quelque part maintenant pour toucher les problèmes ici là maintenant. Parce que nous sommes là pour prier aujourd'hui. J'ai dit que je ne prêchais pas aujourd'hui, c'est la prière aujourd'hui, non. Bon, si quelqu'un commence à écrire, c'est que waouh, je sors rapidement, il laisse au conducteur là-bas, il prie. Alors, j'arrive maintenant, je vois la fille, la femme ne me dit plus que. Parce qu'il était question qu'on se réjouit pour remercier le Seigneur pour cela. Alors, je vois, je suis quitté la maison. Quand il dit, je suis quitté la maison, je ne dis plus rien. Son mari me s'est plaint à distance avec la lettre, elle s'est plaint. Mais à elle, je ne dis pas que son mari m'a dit, je ne dis absolument rien. Je surveille seulement à distance. Mais elle parle n'importe quoi concernant son mari, je ne dis rien. Mais son mari ne fait que se plaindre. Son mari ne fait que se plaindre. Suivez attentivement, vous, les mariés, et vous, les non-mariés, vous qui vous aventurez, quoi que le mariage, c'est seulement de toucher les chairs des gens. Son mari vient me dire maintenant, il a pris un huissier. L'huissier a fait le constat d'abandon du foyer. Normalement, il a raison, sur le plan juridique. Que la femme quitte le foyer, ou la femme fait le constat qu'elle n'est pas à la maison. Il n'y a pas de cause valable pour qu'elle puisse partir. Mais lorsque c'est un esprit qui est derrière, vous devez faire attention. Je lui ai dit que ce soit la dernière fois. Va et déchire cette feuille. Il m'a regardé debout comme cela. Première chose, va déchirer cette feuille. Il m'a regardé. Il dit, va déchirer cette feuille et reste tranquille. Mon épouse, là, elle est témoin. Elle a déchiré, laissez tranquille. La femme disait seulement que ce monsieur-là, cet homme, un de ces jours, je ne suis pas venu ici à la prière parce que je me suis lavé, on avait rendez-vous à 9h. J'ai prié à mon épouse, je lui ai dit que tant que cette femme vient ici maintenant, je vais lui faire ça dur. Parce que je savais effectivement ce qu'il en est. On avait arrangé ce problème sur un jour et j'ai donné l'instruction. C'est parce qu'il veut pas à chaque fois de l'instruction que vous avez un week-end à venir passer ici. Quand on dit comme ça, les gens croient que c'est le conseil. Vous avez un week-end à venir passer ici. Venez passer un week-end ici parce qu'on avait fait ce que vous avez fait. Quand c'était bon, est-ce qu'on entend encore Junior? Tu es où? On est allé prendre les enfants par là-bas. On est allé les faire comme ça là. Il y a ma femme qui observe. Quand ça va chambouler, il va encore revenir. C'est ce jour-là. J'admets que certaines personnes ne comprennent pas. Quand les gens sont novices, je suis obligé de leur dire. J'ai dit, ok. Je lui ai dit que voici ce que je t'ai dit de faire. Tu n'as pas fait. Mais attends, elle-même, j'attends que le Seigneur lui dise que c'est elle qui vient me voir. Il ne veut pas l'appeler. Je lui ai dit le lendemain, elle a fait 5 frères, je ne peux pas, je vais te voir. Il dit le moment est arrivé. Alors on se donne rendez-vous. On a passé là-bas de 10h jusqu'à 20h à la maison. 10h jusqu'à 20h jusqu'à ce que le Saint-Esprit indexe quel est le vrai problème. Alors je pose la question, si cet homme-ci était venu en disant que voici l'avocat, vous appelez l'huissier. Et puis je dis, ok, non, c'est une bonne idée. Comme elle a quitté la maison, sur le plan du droit, si elle est légalement légale, est-ce la pensée du Seigneur, frère? La dernière fois, donc, quand ils appellent maintenant, c'est mon épouse même qui appelle. C'est comment ma soeur, tu es où? Je suis comme ça avec mon mari, comme ça, là-bas, tu es même tombé en panne. Quand c'est arrangé là-bas, est-ce qu'on connaît encore le frère Junior? Non, on ne connaît pas le frère Junior. Mais il y a encore des instructions. Il y a un autre qui était venu, je vous ai raconté son histoire, qui était venu parce qu'il voulait voyager. Quand il a eu le visa de 5 ans, il est allé, j'ai dit à mon épouse. Quand il est venu, Ils étaient en train de communiquer, de communiquer. J'ai dit à mon épouse un de ces jours que cette communication, ce n'est pas bonne. Parce que l'épouse me dit, waouh, c'est le bon amour. C'est le thème qu'elle utilise, que c'est comme s'ils venaient de se marier. Que ça, c'est le bon amour. Quand ce n'est pas du haut, ce n'est pas ça. Il a dit, ça, c'est le bon amour. J'ai dit à mon épouse que quand elle va venir, ça sera la rupture. C'est ça, non? C'est la rupture. Ça, c'est la rupture. On ne peut rien y faire. Même si vous avez fait 22 ans de mariage. Ça, c'est la rupture qui est annoncée. Tout simplement pourquoi? Parce que les instructions ne sont pas suivies. Les gens, moi, je souhaiterais que je reste comme ça. Quelqu'un m'appelle et me dit, voici le message que le Seigneur a pour toi. Les gens ont le privilège que Dieu, le Dieu du ciel dit, voici ton message. Je le fais. Il dit, les gens ont le privilège. Il y a un monsieur que je connais seulement par nom. Mon épouse est témoin. Lorsqu'on a décollé dans l'avion, ou je suis dans l'avion, subitement, première chose, c'est son nom qui vient. Il dit, c'est quoi? Comme j'avais voyagé pour Yaoundé, quand le 8 février, c'est le février 2008, les événements ont commencé. C'est la même façon que ça n'a pas commencé dans l'avion. Il dit, c'est quoi? J'entends son nom vient. Il dit, que demande-lui de quitter le poste qu'il a parce que la mort l'attend. J'ai dit, c'est pas croyable. Moi, j'ai commencé à tomber comme ça dans l'avion. Quand on a atterri, j'ai envoyé le message à mon épouse. J'ai dit que, appelle tel, parce que je ne pouvais pas l'appeler. Dis-lui tel, transmets ce message tel que vous avez transmis. Vous voyez ça, frère? Comment Dieu peut être miséricordieux? Pourquoi? Parce qu'il allait prendre un poste d'ancien d'église. Il a monnayé, on lui a donné le prix, on l'a consacré. Et ce qu'il a de faire, c'est qu'il a de coucher avec les femmes des gens. En volant de l'argent. Un de ces jours, donc, mon épouse a transmis finalement le message. Je viens, un de ces jours, j'ai oublié le message. Et subitement dans la voiture, lui me dit que tu m'as transmis un message comme ça là, je n'ai pas compris. Que, oh Seigneur, le Seigneur est miséricordieux. Je suis pur de son sang. Si ça l'entraîne, un de ces jours, je vais vous dire ici que ça l'a entraîné. J'ai dit ouf. Quand il a dit ça, c'était un ouf de soulagement pour moi parce que quand je suis rentré, j'avais oublié. Il a dit que j'ai dit, c'est pas moi qui t'ai envoyé. J'ai dit à mon épouse de t'écrire sur ton WhatsApp pour que tu reçoives cela, pour que ça en intégrité, sans changer de mots. Parce que ici, c'est la question de vie. Quand il a dit, j'ai lu ça, après, il a commencé à manger le chewing-gum. J'étais étonné que quelqu'un reçoive ce genre de message-ci. Il ne dit pas que qu'est-ce que tu voulais dire. On est allé jusqu'à ce qu'il ait laissé se sortir. Alors vous êtes à genoux, en train de prier pour les gens. Vous dites, combien de fois avez-vous amené, vous ici, là, des personnes nouvelles, vous êtes assis là, le Saint-Esprit va vers cette personne, résout son problème. La question maintenant, c'est, est-ce qu'il ne voit pas votre problème à vous? Est-ce qu'il ne voit pas votre problème à vous? Alors, qu'est-ce que ça signifie pour vous? Vous dites, Seigneur, quel est le cas de cette personne? Le cas de cette personne, vous avez, le Saint-Esprit vient au milieu et dit, je lui ai dit d'attendre, regarde ce qu'elle fait. Dieu ouvre le dossier de quelqu'un, vous voyez ce qu'il en est, vous restez seulement tranquille. Regarde ce que cette personne s'y fait. Vous ouvrez seulement le truc. Souvenez-vous, vous êtes proche de la grâce. Vous pouvez être déchoué de la grâce facilement. Vous vous souvenez de ce que le Seigneur Jésus a dit? Que ces jours, il a dit que tu as fait des choses dans nos villes. Nous avons fait le miracle dans nos villes, n'est-ce pas? Il dit, Capernaum, seras-tu élevé jusqu'au ciel? Il dit, non. Tu seras rabaissé parce que les miracles qui ont été faits au milieu de toi, ça avait été fait à Sodome et ils se seraient repentis. Faites attention. Faites attention à la manière dont vous vivez. Donc, vous êtes à genoux, vous êtes en train de prier. Vous dites, Seigneur, telle personne. Dieu dit, regarde. Je vous ai raconté l'histoire de la camarade de mon épouse là, qui était venue. C'est pour ça qu'il dit, quand il dit que quelqu'un est jeune, il part, dit qu'on jeûne ensemble, sache que c'est toi qui vas jeûner. Vous avez déjà dit ça. Elle est allée, oh, c'est celui qui m'a acheté la Bible, hein, c'est pour dire, c'est, frère Junior, c'est mon, le gars là, c'est lui, il commence à lire la Bible. C'est pour qu'ils disent que oui, c'est ton mari. Il y a même une autre qui était, je dis, j'en ai vu des tas de choses. Voilà mon épouse. Il y a une autre qui était venue, c'est-à-dire, je suis prêt à te donner 1 million. Prophétise au gars là que c'est mon mari. Voilà mon épouse là devant. J'ai entendu ça comme ça, j'étais sidéré. Elle était prête à me donner 1 million. Elle a dit à mon épouse qu'elle a dit que va dire à ton mari que il prophétise que tel est mon mari. Il veut lui donner 1 million. Vous entendez ça, frère? Qui peut avoir les Nigériens ou bien les Congolais? 1 million. C'est là où l'église se trouve aujourd'hui. Prophétie, agent, ainsi de suite. Donc, mettez seulement vos vies en règle. Restez seulement en règle. Des gens souffrent à l'extérieur, plus que vous, enfin, vous n'avez même pas de problème. Quand ils regardent, vous n'avez même pas de problème. Qui a des problèmes ici? Vous avez vu, non? Personne n'a de problème. Il y a seulement quelques-unes des personnes là. On va voir votre problème tout à l'heure là. Dès qu'ils pointent le doigt, levez-vous seulement, d'accord? Restez seulement calme là où vous vous trouvez, juste parce que c'est lui qui vous identifie. N'essayez pas de faire des choses. Mais ce que je voulais dire, c'est que la façon dont vous parlez d'un frère importe pour le Seigneur. Je veux que vous compreniez ça. Quand il dit, le Seigneur en train de dire, regarde ce que la personne fait. Il y a les actions et les paroles que vous proférez. La Bible déclare que si vous parlez mal contre un frère ou bien contre une soeur, vous parlez comme ça de la part du Seigneur. Vous savez ça? Hein? Vous savez ça, mes chers frères? Ça va là? Oui, papa, so. Il a limbé. Il fait quoi à limbé? Il joue la vie, n'est-ce pas? Il travaille plutôt cette fois-ci. Hein? J'avais dit aujourd'hui, je vais donner les instructions par rapport aux femmes, c'est ça, non? Il a dit qu'il veut donner les instructions par rapport aux femmes, la conduite. Et je crois que pour les hommes, Dieu merci pour cela, pour que ça m'en débarrasse. Pour les hommes, c'est clair là maintenant. C'est clair, ce que les hommes doivent faire, c'est vraiment clair. Et là, on va se rencontrer, Dieu voulant. Donc pour les femmes, je vais vous donner les instructions tout à l'heure. Et il t'a dit donc que cette chose-ci, les choses que Dieu montre à l'extérieur, Dieu voulant, donc on va sortir bientôt. Les prochains mois sera pour l'extérieur. Donc priez pour nous parce qu'on va aller à l'extérieur. Si on va, c'est prévu qu'on part d'abord en Afrique du Nord, puis en Europe, dans la zone Europe, on va circuler là-bas. Bon, qu'est-ce qu'on va faire? C'est une chose que d'être content pour la délivrance de l'autre. L'église passe par les mêmes choses, c'est le même problème. Vous aussi, encore, c'est petit avec votre problème. Le problème du péché est réglé avec vous, c'est terminé. Mais il y a des gens avec les sorceleries, comme ceux de l'étranger là. Il y a l'autre là à l'étranger, ça c'est une jeune fille. Ça c'est une jeune fille qui a fait de la. Elle a fait dans le spiritisme. Il dit ce sont les choses que tu as. Vous êtes à genoux, vous voyez la chose se dérouler parce que ce sont les choses que vous rencontrez. Vous êtes obligé de passer du temps dans la prière pour ceci comme ça, pour que la grâce, la miséricorde les rencontre. Donc ça c'est une jeune fille qui a fait dans le spiritisme. Vous savez ce qu'on appelle spiritisme. Son degré de spiritisme, c'est. Regardez. Vous savez, dans le monde, vous voyez les magasins, on dit horoscope. On dit que votre thème astral, c'est ceci. Vous êtes né entre décembre et ceci. Si vous êtes des poissons, vous êtes des poissons, vous êtes quoi là. Vous commencez à suivre cela. Petit à petit, celle-ci a reçu une invitation dans sa boîte email. Elle a rempli sa date de naissance et son nom. Puis elle a envoyé sa photo, on a magnétisé. Elle est entrée là-dedans. Mais là aussi, elle est chrétienne. Elle est chrétienne. Maintenant, ce qu'elle va constater, elle constate que je suis en train de vous dire, ce sont des choses que je regarde dans la prière. Mais la personne n'est pas au courant qu'on connaît. Donc, voici autant de problèmes dont l'église a besoin. La personne observe que quand elle fait maintenant les choses, n'importe quoi, ça ne marche pas. Ça arrive quelque part, oups, ça coince. Commence n'importe quoi, ça ne marche pas. Et la seule chose à faire pour cette personne, c'est que quelque chose, la suggestion du suicide qui arrive. Mais la personne est chrétienne maintenant. Elle ne sait pas d'où ça vient. Ah! Je suis devenu chrétien, j'ai oublié, l'horoscope c'est terminé avec moi. C'est terminé avec toi. Et ta photo que tu as donnée comme magnétise. Les dates de naissance que tu as envoyées, on a envoyé des choses parce qu'elle avait fait même des choses, des incantations avec cela. Après, il dit non, je suis maintenant avec le Seigneur Jésus que c'est terminé. C'est terminé. Voilà un chrétien qui a souffert. Vous voyez cela? Vous allez rencontrer la personne, lui dit, voici quel est ton problème. À l'instant où la racine du problème est dénoncée par le Saint-Esprit, il y a la solution. Donc, il y en a tellement. Vous êtes à genoux, vous voyez les personnes dans le monde comme ça, comme ça. Qu'est-ce que le Saint-Esprit va nous vouloir faire? Dieu veut faire une œuvre sur la terre. Les guérisons vont se passer bizarre dans cette ère-ci là. Mais Dieu va faire comme ça là, seulement pour l'Église. Pour que l'Église sache qu'elle est l'épouse. Mais vous avez un prix à payer. Vous avez un prix à payer. On va à l'église, partout c'est la même chose, les gens souffrent. Et le vrai problème c'est que ces chrétiens, si tu vas en prime abord, quand tu dis que tu as le problème, tu dis non, j'ai donné ma vie à Jésus. Est-ce que tu es sûr que quand tu as donné, il a pris? C'est ça, voici le vrai problème. Vous devez être sûr que vous êtes en Christ. Vous n'êtes pas sûr, recherchez. De la même façon comme vous êtes ici dans la maison, personne n'a besoin de vous prouver que vous êtes dans la maison. Vous savez que vous êtes dans la maison parce que vous avez des preuves. Si vous n'avez pas des preuves, vous êtes en Christ, cherchez. De peur de vous tromper par la suite. Parce que recevoir des sensations, ce n'est pas seulement une question. Alors, il y a beaucoup de choses à dire lorsqu'on va travailler dans le cadre des dons spirituels. Vous voyez, ces choses, si on ne peut pas apprendre ça à l'école, vous ne pouvez pas apprendre cela. Vous ne pouvez pas apprendre. Comment vous allez dire à quelqu'un que tape ici maintenant sur vous, tape sur la personne en train de reculer? Qu'est-ce qui arrive? Comment vous allez expliquer ça dans un cours? Vous allez faire comment pour savoir que ici maintenant, il faut regarder la personne? Et quand tu regardes, qu'est-ce qui se passe maintenant? C'est ça qui a fait le temps, quand on ne connaît pas ces choses, si on commence, on dit que ça ne va pas, tu envoies le feu. Parce que quand on prononce feu, on croit que le feu sort. Vous ne savez pas que, regardez bien, quelqu'un ou un esprit dit que, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, c'est le feu, c'est le volcan qui va vers la personne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. On a troqué ça maintenant au feu. J'envoie le feu de Dieu sur toi. Bois le sang, même le démon boit le sang. Le nom du Seigneur Jésus-Christ est puissant. On va parler de cela. Donc, temps de le dire ici, je vais vous expliquer quelque chose avant qu'on prie. Parce que l'une des fois, j'avais dit que les foyers chrétiens seront attaqués, touchés. J'avais dit ça ici, n'est-ce pas? C'est worldwide, c'est dans le monde entier. Je vais dire quelque chose avant d'avancer. La rencontre entre deux personnes, je dis parce qu'il y a des mariés ici. Il y a des gens qui se tournent dans le mariage et les gens qui vont se tourner dans le mariage. Le mariage n'est pas la rencontre entre deux personnes parfaites. Le mariage n'est pas la rencontre entre deux personnes parfaite. Si vous prenez une personne X et une autre personne Y, et cette personne si est mélangée d'un peu d'amour, de religion, des anciennes vies mondaines, des biais à gogo, l'hypocrisie. Et puis vous prenez cette autre personne si ancien bouddhiste, ayant fait le séminaire catholique, ayant fait le protestanat, ancien traditionnaliste, successeur au village, avec un peu d'amour, vous allez ensemble. Vous pensez avoir quoi à la maison? Qu'est-ce que vous pensez avoir à la maison? Je suis en train de vouloir aller quelque part pour avant qu'on prie. Alors, les gens ne comprennent pas. Voici les petits principes. J'aurais souhaité aller dans la parole pour vous prendre cela dans la parole, pour que vous voyez. Les gens ne comprenant pas ceci, c'est pour ça que vous voyez, les problèmes surgissent plus tard. Le seul mariage qui est parfait, c'est Christ et l'épouse, son épouse, l'Église. Dieu a montré avec le mariage entre lui et Israël pour montrer que s'il y a quelqu'un de parfait, l'autre d'imparfait, ça ne marchera pas. Voilà pourquoi Christ a Dieu veut nous rendre semblables à lui pour qu'on soit unis en un. Vous me suivez? Voilà. Lorsque Dieu prend Israël, Dieu lui, il est parfait. Ceux-ci sont concassés par des désirs de concombres et de lentilles. Vous allez ensemble. Quand Dieu va dire, passe par ce chemin, si je t'aime mon amour. Il veut dire que si en Égypte, là, il y avait l'indolé là-bas. Vous comprenez, n'est-ce pas? Donc, il y a des directions opposées. Maintenant, Christ fait de telle enseigne que dans son épouse, il prend son épouse, il met sa pensée dans son épouse. Il met sa pensée dans son épouse. De telle enseigne que Christ et son épouse sont un. Si Christ lève la main dans le ciel, son épouse sur la terre lève la main. C'est merveilleux seulement. Si Christ s'assoit dans les cieux, son épouse s'assoit sur la terre. Quand il coule la sueur en haut, l'épouse coule la sueur en bas. Sol, sol, pourquoi me persécutes-tu? En haut, ça c'est le sang. Donc le mariage, donc, si vous prenez un cercle A et un cercle B, vous avez... Les professeurs, Papa Tani nous enseigne qu'il y a ce qu'on appelle les intersections. Vous pouvez mettre un cercle. Donc, la longueur de ton amour, c'est la longueur du rayon de ton cercle. La quantité de ton amour. Vous pouvez mettre les cercles comme ça, de telle sorte que les cercles soient concentriques. Si c'est le cercle, le plus le cercle est grand, plus son amour est grand. Si c'est l'amour de la femme qui est grand, son rayon est grand. Si c'est comme ça avec l'homme, ça ne marchera pas. Il faut que ce soit l'amour de l'homme qui soit grand. Parce que c'est à lui qu'on a commandé que aime ta femme. Pour la femme, le commandement, c'est qu'elle soit soumise. Parce que la circonférence, là, on va toucher ça, un des sujets qu'on va parler encore de la femme. Alors, lorsque les cercles viennent ensemble, s'il y a le tableau, je vais souhaiter vous dessiner pour vous expliquer ce que je vous dis. Si vous faites le cercle, pour ceux qui ont fréquenté, vous allez voir que vous pouvez mettre le cercle comme ça. Comme on fait les Jeux Olympiques, là, vous avez vu, n'est-ce pas? Les cercles se rencontrent. Vous allez remarquer qu'au fur et à mesure que les cercles se rapprochent entre eux pour être un, la partie où il y a l'intercession est plus grande. L'intercession, là, c'est ça le problème. Alors, lorsque vous faites comme ça, vous faites le cercle comme ça, ça suppose que voici quelqu'un de mauvaise vie, comme je disais tout à l'heure, d'une famille des polygames. Voici une autre personne qui est venue avec égocentrique. Là-bas, chez eux, on ne donne pas quelque chose à quelqu'un. Ici, c'est un polygame, ici, un type généreux. Il prend un exemple simple d'une femme qui a un caractère, il prend un seul caractère. Celle-ci est née dans une famille où on est large. Celui-ci est né dans une famille où pour donner quelque chose à quelqu'un, la main est calée comme ça, comme les Allemands. Vous venez les mettre ensemble. Quand ils travaillent à la maison, quand la femme voit quelque chose, elle veut lui donner. Celui-là dit que où est-ce que j'ai mis ici hier, même ça ne fait rien. Où est mon ancien chef qui était sous le lit ici? J'ai donné ça à quelqu'un. Tu as donné ça pour quoi? Vous comprenez, n'est-ce pas? Cette personne, c'est un caractère qu'il a hérité, cette autre personne, c'est un caractère qu'il a hérité, ils sont venus là-bas maintenant. Il faut que les caractères s'y soient compatibles. Je suis en train de prendre ceci parce que c'est ici le vrai problème. C'est, si on comprend ces éléments essentiels, il n'y aurait pas de divorce dans le mariage, hormis le problème d'ordre spirituel. C'est que vous devez admettre que lorsque tu viens et que tu donnes ta vie en troc pour l'autre, tu dois admettre ses insuffisances. Il doit aussi admettre tes insuffisances. C'est sur les insuffisances que normalement la compréhension doit être construite. C'est sur les insuffisances. La Bible déclare dans 1 Corinthiens chapitre 12 par exemple, le verset 18 à 22. La Bible déclare au verset 20 à 22 que le Seigneur a fait exprès de mettre dans le corps les membres qui sont considérés comme les faibles, afin que les autres aient soin. Donc autrement dit, là où je suis faible, tu es fort, on se soutient. C'est à ce sens que la femme est l'aide. L'aide, parce qu'il ne peut pas accomplir tout par lui-même. Même s'il dit que je suis faux, il peut accoucher. C'est pour ça que Dieu a fait que lui, elle est le laboratoire, lui, il a la sémence. Il va faire son expérience à l'intérieur là-bas, c'est là où ça doit produire. Vous comprenez, n'est-ce pas? La femme est le laboratoire, il est porté de vie pour qu'il y ait compatibilité. Alors, cette femme s'y vit avec son caractère à elle. L'homme s'y vit avec son caractère à elle. Vous entendez quelqu'un dire, je n'aime pas quand je parle, elle parle. Il y a quelque chose qui cause. Vous voyez, quand un homme vient se plaindre que, parce que je n'aime pas sur la femme là. Ils ont fait 20 ans de mariage. Le 20 ans de mariage, ils n'ont pas eu, par exemple, le temps de connaître les insuffisances de l'autre pour pouvoir la supporter là-dedans. La Bible déclare, supportez-vous les uns les autres. Et si quelqu'un a sujet de se plaindre, pardonnez-vous réciproquement. Parce qu'il y a de ces sujets-là. Vous suivez, n'est-ce pas? Et parce que quand deux êtres se rencontrent, il dit bien, si je le dis, c'est parce que c'est ça qui cause beaucoup de problèmes. Il y a beaucoup de femmes qui sont dans la rébellion parce qu'elles ont quitté le foyer, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais le Seigneur veut amener la restauration. Alors quand deux personnes se rencontrent comme ça, les choses à faire premièrement, c'est d'essayer de comprendre ce que l'autre n'aime pas et comprendre ce que l'autre aime. Beaucoup plus ce que l'autre n'aime pas pour ne pas heurter la personne. Et donc, si on connaît les insuffisances de l'autre personne, on va maintenant commencer à lui pardonner. Que c'est en fait, c'est ça. Ici, c'est sa faiblesse. Il faut que je la soutienne. Vous suivez, n'est-ce pas? Vous allez voir dans un couple, une femme qui ne bavarde pas, son mari bavarde. Bavarde comme ça là. Dans un autre couple, c'est la femme, hein, elle bavarde. Quand ils sont ensemble comme ça là, le mari va dire comme ça. Elle dit que lève comme ça, chérie, je parle. Va, son mari reste comme ça là. Les gens servent, ils disent que c'est sûr que la femme là, le type là, ne dort pas à la maison. Vous comprenez, n'est-ce pas? La femme dit que ma bouche aussi bavarde tout. Ce n'est pas sa bouche qui bavarde, c'est à l'intérieur. Je ne sais pas si vous me comprenez. Alors donc, le mariage, c'est l'intercession des deux caractères. Construit indépendamment dans des sociétés différentes. Grave encore si vous êtes dans des sociétés de pays différents, des cultures différentes, que vous venez vous marier. Vous voyez, c'est pour ça qu'en Europe, vous voyez, quand les hommes noirs viennent pour chercher les femmes, première réaction, ils me cherchent comme ça pour le papier. Donc pendant que les femmes, ils guettent comme ça, c'est ton papier que tu guettes. L'autre aussi dit que je garde mon papier là-bas. L'autre aussi dit que si elle donne le papier là, il va me fuir. C'est pas ça, frère. C'est quel genre d'amour on a ici là. Vous voyez. C'est pour cela que les liens de mariage qui sont construits sur le matériel sont susceptibles de ne pas passer le test des temps. Je l'ai épousée parce que son père avait de l'argent. Je l'ai épousée parce qu'elle était bien positionnée en société. Donc plus tard dans la société, si elle n'est plus bien positionnée, qu'est-ce qui se passe? Il y a rupture. Je l'ai épousée parce que leur famille, c'est une famille de renom. C'est la famille Intel. Tu ne sais pas que j'ai épousé la fille de Intel. Donc, tu n'as pas épousé la femme que tu voudrais, tu as épousé le nom d'une famille. Donc, si ce nom de famille-là te dissipe, tu es partant. Alors, ces valeurs-là, on doit reconsidérer. Donc, vous qui n'êtes pas marié, mettez-vous à l'esprit que vous allez rencontrer une fille, par exemple, dont le background, ce sont les sorciers. Vous allez rencontrer une fille dont le background, vous allez rencontrer que dans leur background, ce sont des anciennes prostituées. Tu tombes dans l'un, c'est ton problème, c'est ton tour, c'est ton lot là-bas. Comment je fais? Je peux sortir, pas aller me marier. Tu crois que tu es le seul homme, c'est pas le problème. Tu vas voir un homme, l'autre homme, si tu vas voir que son background encore est plus lourd que l'autre que tu as laissé. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je crois que j'ai même les instructions pour les femmes là. Vous souvenez-vous qu'il faut que je vous donne ça avant de quitter ici. Donc, ce qu'il faut faire en réalité, c'est de rester sous la grâce de Dieu, que Dieu te conduise là où il en est. Quand vous n'êtes pas encore marié, c'est le meilleur moment d'observer dans le silence la prière avec le Seigneur. Pendant que le Seigneur te fait dans ton cœur, il te nettoie certainement la personne que tu vas marier. N'essayez pas de dire qu'il faut que tu vives n'importe comment en croyant que le jour que tu vas aller, vous allez voir un jour, pour vous dire c'est le coup de fou. Ça va vous foudroyer seulement vous deux. Vous allez vous dire, coup de foudre, là-bas, la passion de la chair va vous prendre, vous enveloppe, vous allez oublier l'essentiel. Mais vous n'allez pas avoir le coup de foudre, même le foudre ne parle pas chaque jour. C'est pas ça, frère. Ça fait brrr, après il y a le calme. Quand il y a le calme, chacun peut regarder aussi pour voir ce qu'il en est. Quand il y a le coup de foudre, va cesser. Le nez de type, le nez de type, c'est comment? Le coup de foudre avait fait le bruit, tu n'as pas bien regardé son nez. Alors maintenant, son nez entre dans la réalité. Quand il dort, quand il y a le coup de foudre, quand il dort, il fait rah, tu n'entends pas. Mais maintenant, quand le coup de foudre, il dit que, ouais, le type, si, il fait le bruit, tu prends le relais, tu mets sur ta tête, tu entends rah, tu parles dans le salon, tu dis, chérie, je vais te voir dans mes bras. Tu dis, qui? Tu rompes trop. Mais le coup de foudre, quand il y a le coup de foudre, tu as entendu. Donc faites attention. Tous les paramètres là, vous devez l'intégrer. Vous n'intégrez pas, vous allez avoir ce que les humains ont dit que incompatibilité d'humeur. Voilà le motif de séparation. Incompatibilité d'humeur. Je reste à la maison comme ça. Elle ne rit jamais. Elle ne rit jamais. Donc c'est un motif de divorce. Il faut que Dieu nous vienne en aide, n'est-ce pas? Et remarquez, là on est en train d'aller là. Là on est en train d'aller, c'est pour le mariage de Christ. Et en 2016, les chrétiens ont encore des problèmes dans le mariage. Alors que le mariage devait typifier l'épouse de Christ. Donc j'avais dit la dernière fois que les sœurs devaient gêner le. Ça c'est les instructions maintenant. Avant qu'on prie. Vous savez, les gens ils sont là assis comme ça. Tu as déjà appris que tu veux dire que tu as prié pour les gens mercredi. Fini, vite, tu pries pour nous. C'est ça nos frères. J'avais dit qu'il ne devait même plus prier, qu'il ne devait même plus parler de ces choses. Qu'on se concentre dans la parole. Parce que la parole est bonne. Que ceux qui sont à l'extérieur bénéficient de la prière. Vous avez la parole, ça vous construit. Donc lorsqu'on sera à l'extérieur, à l'étranger, je crois qu'il y a une soeur là qui va gérer cela. Il y a une soeur, on l'appelle Esther, qui vous salue chaque fois, d'accord, mes chers frères. La soeur Esther, son mari vous aime également. Et vous nous aime. Donc priez pour le mari de la soeur Esther. Il s'appelle Jimmy. Ils sont quoi, Guadeloupe, hein? Ils sont de la Guadeloupe. Ou c'est quoi, Antilles ou Guadeloupe? Guadeloupe, ce sont les Guadeloupéens. Donc c'est eux qui vont gérer tous ces déplacements. Donc si vous voulez contacter quand on ne sera pas là, c'est elle, à elle, c'est Esther. C'est à elle que la grâce a été donnée de gérer ceci. D'accord? Donc ça veut dire que si vous voulez contacter, vous pouvez contacter la soeur grâce de vous donner son numéro au cas où il y a n'importe quelle situation. Mais je crois que vous n'aurez pas de situation ici qui soit grave. Vous avez un grand conducteur là comme ça. Ça ne fera rêver. Ça ne va pas vous dépasser ici. Donc si quelqu'un veut entrer en contact avec la soeur Esther, vous entrez seulement en contact avec elle. Parce qu'on va aller, je ne sais pas où on va aller, soit la France, la Belgique, ou d'abord on va aller là-bas. Et que le Seigneur va faire. Si le Seigneur fait, on sort à l'extérieur. C'est que c'est pour que les cas qu'on a de regarder comme ça, que ils soient. C'est grave avec les pasteurs qui. Pour la délivrer, il faut payer de l'argent. Oh, pour prendre la roue avec le nœud, il faut payer 400 euros. Il faut donner 300 euros pour que les gens puissent recevoir de l'argent. Pour que la guérison. Et tu passes, on t'ajoute encore des démons. Et le salut est donné gratuitement. Le salut est donné gratuitement et tout ce qui ressort du salut. Donc, la croix là. Le bénéfice de la croix, c'est gratuit qu'on doit dispenser. Les gens cherchent la malédiction. Tu vas prendre 400 euros, manger avec ta famille. Quand tu vas mourir, ton enfant a des poulons. Vous voyez les enfants des pasteurs de poulons. On dit que, qu'est-ce qu'il a fait? Pourtant, son père était un serviteur de Dieu. On ne sait pas quel héritage de Géazik. Son père eut à transmettre dans sa famille. Donc les hommes, préparez-vous. Je vais vous donner pour vous là maintenant. Donc, 1er novembre jusqu'au 31 décembre, nous, on sera à jeûne avec les hommes. Je vais vous donner pour vous. Pour les femmes, d'abord, commençons par les femmes. Je crois qu'il avait été dit pour les femmes qu'il y a deux volets sur lesquels on doit travailler. Les femmes, notées. Job, chapitre 1 et chapitre 2. Job chapitre 1 et chapitre 2. Le livre d'Esther. Il dit que les hommes, les femmes prennent. Il y a les hommes qui copient là-bas juste parce qu'ils discutent même la copie. Frère Donat, c'est pas le donner à ta femme. Vous allez voir ce qui arrive avec ces jeunes-ci là. Livre d'Esther, Matthieu chapitre 5. Matthieu chapitre 5. verset 27 à 29. Il dit Job chapitre 1 et chapitre 2. Matthieu chapitre 5, verset 27 à 29. C'est ça, n'est-ce pas? Le livre d'Esther. 1 Samuel chapitre 1 et chapitre 2. Si Dieu pouvait seulement nous donner le temps, vous les femmes, on s'assoit pour travailler. Vous êtes proches de quelque chose, vous les femmes. 1 Samuel chapitre 1 et chapitre 2. Pierre chapitre 3. C'est bon? Juge. Chapitre 19. Jusqu'au dernier chapitre. Juge, chapitre 19. Le livre des Juges, chapitre 19, jusqu'au chapitre. Juges, chapitre 14. Un Samuel, chapitre 21. Samuel chapitre 21, verset 1 à 5. Tite chapitre 2, verset 3 à 5. Ils ont préparé vos feuilles déjà. Mais il faut pour vous, je vous donne l'indication parce que pour vous c'est clair. Couche-toi ici. Couche-toi là. Tite chapitre 2 verset 3 à 5. 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 3 à 6. 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 3 à 6. Il dit, vous ne pouvez pas savoir comment c'est merveilleux ce que le Seigneur est en train de faire tout simplement. 1 Corinthiens 11 et 14. 1 Corinthiens 11 et 14. Apocalypse 19. Verset 6 à 8. Timothée chapitre 2. Couche-toi ici. Ici. Timothée chapitre 2, verset 9 à 14. Philippiens chapitre 4 verset 1 à 3. Philippiens chapitre 4 verset 1 à 3. Éphésiens chapitre 5 verset 22 à 32. J'ai dit Philippiens chapitre 4, verset 1 à 3. Ruth. Chapitre 1 à chapitre 3. Ruth. Oh mes soeurs, passez le temps dans la prière, les jeunes. Il y a très grands bénéfices pour vous là-dedans. Frères, passons le temps. Parce que je sais que quand les gens entendent jeûne 2 mois, D'autres mettent la main sur le rang, vous savez que mais ça va me laisser. Vous êtes obligé de passer par ici. Il n'y a pas deux façons. Il n'y a que deux routes. Soit vous acceptez de continuer, ou bien vous régressez, vous entrez. Vous restez sur place. Il dit qu'il va vomir. C'est ce qu'il a promis pour l'église. Il a dit que soit tu es bouillant, soit tu es froid. Si tu es stagnant, il va vomir. On a de bouillir. Il dit amen comme ça. Là. Quand il va dire dans 3 mois, vous allez dire amen quoi. Ruth chapitre 1 à chapitre 3. Vous avez noté 2 Samuel. 2 Samuel. Le livre de 2 Samuel. Chapitre 21. Donc prenons le chapitre 11 et le chapitre 20 de 2 Samuel. Chapitre 11. Maintenant, chapitre 20, verset 15 à 22. Donc, 2 Samuel, chapitre 11. Pour le chapitre 11, d'accord? Maintenant, 2 Samuel, chapitre 20, verset 15 à 22. Néhémie, chapitre 13. Néhémie, chapitre 13. Verset 23 à 27. J'ai dit que pour tous ceux qui vont contacter, quand on sera hors du pays, vous contactez la sœur Grace, elle va vous mettre en contact avec la sœur Esther. Esther Mélissa. Moi, j'ai Black Bear. Néhémie, chapitre 13, verset 23 à 27. Voilà, c'est bon. Apocalypse, chapitre 17. Verset 1 à 10. C'est fort. Job, chapitre 31, verset 9 et 10. Ecclésiaste, chapitre 7, verset 26 à 29. Ésaïe, chapitre 49, verset 15. Ésaïe, chapitre 49, verset 15. Ésaïe, chapitre 54, verset 6. Lamentation, chapitre 4. Lamentation, chapitre 4, verset 40. Osée, chapitre 4. Osée, chapitre 4, verset 14. Et le chapitre 12. Verset 13. Maintenant, on entre dans Proverbes. Une série dans les Proverbes, d'accord? Chapitre 9, verset 13. Chapitre 11, verset 16 et le verset 22. Je suis seulement dans Proverbe, là, n'est-ce pas? Donc, chapitre 11, verset 16 et verset 22. Chapitre 12. chapitre 11, versets 16 et 22. Chapitre 12, verset 4. Chapitre 14, verset 1. On avance. Chapitre 16, verset 6. Non, chapitre 16, verset 6 et 7. Vous y êtes? Nous terminons chapitre 6 et chapitre 7. Ça, c'est dans Proverbe toujours. Donc, Proverbe, les chapitres 6 et les chapitres 7. D'accord? Chapitre 18, verset 22. C'est beaucoup pas vrai. Chapitre 19, verset 13 et 14. Chapitre 21, verset 9 et 19. Chapitre 25, nous sommes toujours dans Proverbe. Chapitre 25, verset 24. Chapitre 27, verset 15. La façon que tu écris 27, là, après tu vas dire que c'est moi qui avais dit 22. Regarde, regarde ton 7 là, c'est 20. Chapitre 27, verset 15. Chapitre 30, verset 16. Verset 20 et verset 23. Chapitre 30, verset 16, 20 et 23. Chapitre 31, verset 3, puis verset 10 à 30. Ézéchiel chapitre 16. Ézéchiel chapitre 16. Ézéchiel chapitre 16. Est-ce que le mois, s'il y a un férié avant le 5 mai, le 5 novembre, y a-t-il un férié? Nous sommes au cantime aujourd'hui alors. 26. Là, on ne peut pas encore travailler sans que vous ne soyez entré en contact avec cela. Que vous entrez en contact, il y a deux volets. Un, le nettoyage profond à l'intérieur. Le nettoyage profond. En regardant cela, en regardant les passages qui sont donnés, ça va traverser au travers de vous. Donc, il faut que ça traverse au travers de vous. La première chose, c'est le nettoyage à l'intérieur. Parce que, il a dit, il y a des gens qui sont là encore avec les interdits. Encore avec les interdits. Il y a d'autres qui sont comme ça. C'est oui, mais ce n'est pas assis dans leur être comme étant partie intégrante de leur vie. Donc, s'ils quittent là, ils vont faire autre chose. Pourtant, ils sont là. Ils m'adressent des femmes, ils parlent des femmes. Donc, afin que l'extérieur soit drastiquement transformé, c'est le deuxième volet. C'est pour les hommes qui sont vraiment. C'est pour les hommes, c'est ça qui est davantage intéressant. J'ai fini avec les femmes. Un, c'est quoi? Un, c'est quoi? Les femmes. Quand il parle, vous comprenez ce qu'il dit. Le premier volet, c'est quoi? Deux, afin que. faudrait qu'on commence à comprendre pourquoi vos jupes vont descendre jusqu'au niveau de la cheville. Bon, on va travailler là-dessus. Et pour ça qu'il dit que non, quand il tâche ça, si ma tête ça chauffe, j'ai les pellicules. Tu vas avoir même la pile pour filmer sur ça. Alors maintenant, passons aux cas des hommes maintenant. Soyez vraiment attentif lorsque les livres vont être donnés, puis surtout l'instruction. C'est l'instruction qui est le plus grand. On y va. Deux livres sont présentés à nous. Jean, les chapitres 14, 15 et 16. Ça, c'est ce qu'on va faire durant les deux mois-là. Jean, les chapitres 14, 15 et 16. Puis, 1 Corinthiens 12, 13, 14 et 15. Donc il y a ceci. Oh mon Dieu, qu'est-ce qui arrive? Jean chapitre 14, 15 et 16. Ah, c'est le premier livre, n'est-ce pas? Deuxième livre, 1 Corinthiens 12, 13, 14 et 15. Maintenant, je vais donner les instructions. On y va, frère, vous êtes prêts? Vous devrez, durant ce moment-ci, être à même d'écrire aux côtés de ces différentes questions qui vont sortir. Les différentes questions qui vont sortir maintenant. Vous devez donner une réponse à côté. Vous êtes hein? 1. Suis-je un sarment? Vous devez répondre à cela. 2. On y va. La première question à répondre, c'est quoi? Vous devez répondre à cela. C'est individuel. C'est pas collectif. Il y a notre instruction par rapport à notre travail, par rapport aux différents livres qu'on va faire. C'est pas quand ça va, c'est beaucoup de choses qu'on nous demande de travailler. On y va. Suis-je un sarment? 2. Quel fruit porte-je depuis? Quel fruit est-ce que je porte depuis? Cette question doit être répondue. Ah, les frères, qu'on va se réunir pour vous, là, il y aura des bons moments. Il y a plus seulement que Dieu nous donne l'heure. On avance. La première, c'est quoi? C'est suis-je un sarment? 2. Quel fruit porte-je, n'est-ce pas? Depuis. 3. Quel est mon don? Suis-je établi? 4. Chacun, vous devrez. Souvenez-vous que c'est vous-même. Hein? C'est pas que frère, t'as pas, c'est quoi la première question? C'est pas ça. C'est toi. À quoi suis-je appelé? Voilà l'autre. À quoi suis-je appelé? Il y a une question là que je souhaiterais que ça ne soit pas là. Il y a une question là que je souhaiterais que ça ne soit pas. C'est combien? Fait? Donc là où vous trouvez maintenant, c'est là où on est. À quoi suis-je appelé? C'est ça? Le prochain. Suis-je un hypocrite? Le dernier maintenant, c'est bon? On a quel numéro maintenant? C'est 7, n'est-ce pas? Est-ce que j'aime vraiment le Seigneur? Vous devez répondre. Que le Seigneur vous bénisse. Je recommence encore pour les hommes. Les livres, c'est Jean chapitre 14, chapitre 15 et chapitre 16. Puis 1 Corinthiens chapitre 12, chapitre 13, chapitre 14 et chapitre 15. C'est ça, non? Au sorti, durant ce moment de prière de jeûne, je souhaite vraiment prendre seulement le temps pour vous expliquer à quoi ça sert jeûne, pourquoi les passages sont donnés et comment on devrait normalement aller avec cela. La première question, c'est: suis-je un sarment? Deuxième question: quel fruit est-ce que vous avez de fruit? Troisième: quatrième: cinquième: à quoi suis-je appelé? Sixième: suis-je un bon fruit? Et enfin, septième: est-ce que j'aime vraiment le Seigneur Jésus? Amen. Que Dieu vous bénisse. On a de quoi nous régaler maintenant. Mais souvenez-vous, le mois de décembre, ça va s'accélérer bizarrement. Souvenez-vous, le mois de décembre, on va mettre un crochet là pour surveiller le pays. D'accord? Pour surveiller le pays. Pour surveiller le pays. Parce que des choses que les gens utilisent des forces occultes pour stopper la pluie. Parce qu'ils veulent faire le travaux. Et puis, il y a des répercussions. Il y a des répercussions dans le pays. Je vous avais dit, c'est 2 ans maintenant, j'avais dit que suivez le, c'est le rail, voyage ferroviaire. Une fois, j'ai dit que j'ai vu un style d'avion, c'est pas au Cameroun, le bête de ça est comme l'oiseau, que j'ai pas vu ça ici, pas vrai. Et il dit ça, c'est la faute des, c'est la faute des pilotes. Donc, en décembre, on va suivre le pays. En décembre, on va suivre le pays. Il est inadmissible que les gens soient là pour diriger. On leur donne de l'argent pour faire des travaux. Regardez les passages à niveau là où il y a les rails. Là où les goudrons viennent passer. Observez comment il y a des creux là-bas. Ça ne dit absolument rien à personne. Observez les creux. Un de ces jours, quand il y aura les embouteillages là-bas, les gens vont caler à l'intérieur. Le train va venir, ça va tuer les gens. Dans la seconde qui suit, on va amener les gens pour arranger la route. Donc on attend toujours qu'il y ait des catastrophes. Il y a des gens qui sont là, qui aiment la souffrance humaine. On attend que lorsque les gens meurent, que ça ait des problèmes. Observez la route pour aller à l'ouest. Observez. Observez les creux qu'il y a en route. C'est une route nationale. Nationale. C'est-à-dire que ça dessert quoi, non seulement le Cameroun, mais les pays extérieurs. Une route nationale. Des routes de 1985. Ces routes-là ne sont pas réfectionnées. Ça tue les gens, on ne dit absolument rien. Ça tue les gens, on dit que non, c'est à cause des mauvais usagers, des mauvais conducteurs. Mais vous voyez, une route, un camion garde déjà, l'autre revient de la piste. Même le vélo ne peut plus passer. Ça ne fait rien à personne. Mais sur cette même route, vous allez voir, il y a au moins 5 péages où les usagers doivent payer. On paie de l'argent chaque jour, aller et retour. Cet argent, on ne sait pas où ça va. L'argent là est suffisant pour seulement boucher même le trou. On ne le fait pas. On attend que les vies humaines, on attend que 25 personnes soient mortes. Ça ne dit rien à personne. Et vous voyez que quand la colère va venir sur le pays, on donne la route à quelqu'un. Vous voyez, vous dites, il y a des exploitants forestiers. Observez depuis, vous voyez, les bois ne font que sortir des forêts. Ne font que sortir des forêts, pas vrai, frère? Depuis des années, dizaines d'années, les bois ne font que sortir des forêts. Ça sort de quelle forêt? Ces quantités de bois là, qui les a mis? Et les normes disent que lorsque une société vient pour exploiter, ils ont des contrats, comment vous appelez ça, les partenariats qui signent avec les communautés locales pour pouvoir développer. Il faut donner des coûts, faire de l'eau potable, la santé, la route. Allez observer les routes où ces bois sortent pour traverser, pour venir, pour aller être divulgué. Allez observer. Et vous allez comprendre effectivement qu'il y a des gens qui aiment la souffrance. C'est-à-dire qu'ils aiment que le peuple souffre. Alors on signe le contrat, effectivement, l'entreprise verse de l'argent dans un compte. Les chefs des localités vont avec des trésoriers, ils signent que le travail c'est ici. 15 millions par exemple, on retire l'argent, on verse du gravier là-bas. Une fois, ils mangent le reste. Et cette même route-là, sa femme aura besoin d'aller rapidement en urgence, il ne pourra pas aller, les voitures vont caler dedans. Voilà ce que les êtres humains font. une route, on est en train de faire une route. On dit, voici la quantité d'argent que vous allez dépenser pour cette route. Si on verse une petite couche, deux jours, c'est creusé. On envoie les gens des commissions pour aller surveiller, pas surveiller. On lui donne sa part d'argent, que prend cet argent-ci. Va dire que c'est bien fait. Il pas dit, c'est bien fait. Demain, son petit frère vient faire l'argent pour mourir. Je ne sais pas si on est conscient de ce qui arrive. Il faut la repentance pour ce pays-ci. Il faut la repentance à tous les niveaux. Est-ce que vous comprenez? Donc attendez seulement, attendez seulement. Je peux prier maintenant. Mon désir, c'est que nous servons Dieu de tous nos cœurs, avec droiture, avec honnêteté, avec fidélité. Que si on ne parvient pas à l'aimer comme il faut, retirez-vous devant lui jusqu'à ce qu'il mette son amour en vous. Mon désir, c'est que chacun de nous soit connecté au Seigneur de la bonne manière. Mon désir, c'est que s'il y a quelque chose qui hindra, qui empêche le contact, que ce soit enlevé. Mon désir, c'est que s'il y a quelque chose qui dérange, que le Seigneur enlève cela. Vous êtes d'accord? Ouvrons le livre de Jean, chapitre 16. Vous avez déjà caché les Bibles, n'est-ce pas? Parce que vous entendez maintenant, si, ou si quelqu'un va tomber, crier ici. Là. Comme ça, les voisins viennent dire à maman Véro, que qu'est-ce qu'il y a chez toi là? Jean, chapitre 16. Vous voyez, quand vous attendez la prière, vous attendez directement comme ça. Pardon. Vous êtes dans Jean chapitre 16. Lisons les versets 23 et 24. Lorsqu'il veut lire ma Bible, il veut déposer, il veut prier pour nous. En ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Vous avez vu ça? Ok. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez afin que votre joie... Fermez alors maintenant les Bibles. Si on a les relations avec le Seigneur, si on confesse qu'on est avec le Seigneur Jésus-Christ, vous priez, ça ne marche pas, vous priez pas de réponse, vous serez en joie. Les mondains même en dehors vous dépassent parce que quand ils parlent en boîte de nuit, après ils demandent quelque chose, on le donne. Il dit demandez en mon nom, vous le recevrez afin que votre joie soit parfaite. Dieu veut que nous nous réjouissons lorsqu'il répond à nos prières. Il n'y a même pas des gens qui ont le problème ici. C'est pas ça. Chacun casse moi ce problème. Les prions vont commencer à bombarder dans le cœur. Mes soeurs, mes frères, vous allez me tuer. Viens. Tiens-toi ici. Viens, tiens-toi ici. Restez seulement en prière. Restez seulement en prière. Tiens-toi là. Lève-toi. C'est le moment. Lève-toi. Non, toi, je dis, lève-toi. Tiens-toi là. Tiens-toi là. Oui. Voilà, tiens-toi comme ça. Voilà. Lève-toi donc. Lève-toi. Lève-toi. Viens-toi. Avance, avance, avance ici. Comment on va commencer là maintenant? Donc ceux qui sont debout ici là ont des problèmes. Je ne sais pas comment on va faire cela. Il est quelle heure maintenant? Voilà, donc on a un peu de temps. Le Seigneur a dit tout à l'heure là que demandez et que vous recevez afin que votre joie soit parfaite. Souvenez-vous. Tu dois parler. Avance ici. Parle. Ceci cause ceci. C'est à toi de parler. Tu ne parles pas, il va avancer. Tu penses que c'est la faute à qui? Toi. Tu as une seule solution. Ce n'est pas de pleurer, ne pleure pas. D'accord? Ne pleure pas. Va là-bas, on va te mettre à genoux là-bas derrière. On va revenir sur ton cas. C'est fort. Vous ne pouvez pas avancer avec le Seigneur avec toutes ces choses. Vous ne pouvez pas. Ça, ce sont les anciennes choses qui sont revenues. Ça, c'est quelque chose d'ancien qui est revenu. Toi. Avance par moi. Viens vers moi. Et ça, c'est quelque chose d'ancien qui est revenu. Ça, c'est quelque chose d'ancien qui est revenu. Quelque chose qui n'était pas, mais qui se retrouve. Madame, mets ta main sur ton ventre, tout simplement, toi, tu te tiens. Mets ta main, oui. Lève-toi. Ça se passe dans les songes. Tu bouges maintenant la tête comme ça, je suis de parler, tu ne comprends pas. Il dit ça, c'est quelque chose d'ancien qui est revenu. Ça se passe dans le songe ici. On en parle. C'est quoi? On peut parler toujours. Ceci a engendré cela. C'est la baisse des prières. Hein? Comment tu dis oui maintenant? Il dit que c'est ceci qui a engendré ceci. Quel est le. Là où je pointe le doigt, c'est quoi? Il dit que ceci a engendré ceci. Donc, la cause de ceci, c'est ici. C'est ça qui a engendré ceci. C'est le problème du frère dont j'avais parlé. Donc, ça ne t'est pas quitté. Il te faut la délivrance. Parce que tu as irrité un esprit sur lui. Ce n'est pas la première fois qu'il le fait. Ce n'est pas pour toi ce qu'il fait. Il l'a fait pour une autre personne. Il est possédé. Et tu as irrité cela. Pas comme ça. Vous montez en prière. Vous montez. Reste debout. Vous montez en prière. Écoutez très attentivement. La fornication, la masturbation, les films pornographiques éloignent de Dieu plus que toute autre chose. Vous allez faire n'importe quoi, mais vous faites n'importe quoi. Ce que vous faites pour vous. Vous savez que vous faites seulement pour vous. Vous faites seulement la façade religieuse. Vous commencez à faire donc ce qu'on appelle les rituels. Et lire ma Bible un peu. Vous lisez, vous savez qu'il n'y a plus de contact. Voilà. Donc la relation est sèche maintenant avec le Seigneur. Mais ça sera restauré maintenant. D'accord? La patience. Ça, c'est la patience. Ah, je parle, elle regarde plutôt derrière. C'est toi devant moi maintenant, c'est la patience. La patience. Pourquoi t'as dit? Tu es avec moi maintenant? Quelque chose se trouve sur toi. Tu es prêt? Mets la main sur le dos de la maman. Si. Non, assieds-toi, reste confortablement. C'est sur toi. Mets la main sur son dos. C'est sur toi que c'est venu là positionner. Papa taille. Ça, c'est la patience. Qu'est-ce qu'on peut dire dans maintenant? Ceci, c'est une expérience qui se passe dès le départ. Un moment de cela disparu, ça revient. Et ça se passe dans le songe. Le garçon s'est dit que la prière dit aujourd'hui là parce qu'il sait que Vishwan veut 21, on prend déjà la bouillie et le gâteau. Il est là, il a déjà attaché sa bouche que finis ton histoire là vite. On me sert la bouillie. Bébé Moïse, la bouillie, vous avez fait la bouillie aujourd'hui, c'est le pain. Le garçon il est fâché, il dit que qu'est-ce qu'il y a, on perd le temps comme ça alors que la bouillie, c'est l'heure de la bouillie. C'est toi alors. La patience n'est pas arrivée au niveau où le Seigneur veut. Il t'a dit patience. Hein? Il a dit patience. Plusieurs des songes même que le Dieu montre, c'est pour dire patience. D'accord, ma chère sœur? On continue. Ce n'est pas la seule chose. Si on avance, on avance. Si on ne veut pas qu'on avance, on en reste là. Ta main sur son dos, tapote-moi son dos comme ça. Tapote. Encore. Tapote son dos. Tapote son dos. Tu croises la main, hein? Tu vas observer. Croise la main. Regarde. Continue. Continue. Continue. Je suis son dos. Continue. Continue. Continue. Continue. Continue. Continue. Continue. Continue. Continue. Observe là. Continue. Je suis tout. Continue. Continue. Continue. Continue. Vous voyez ça là? Vous voyez ça? Continue, continue là. Continue, continue. Il y a une table là. Il y a une table. Regarde, regarde, regarde, regarde, regarde, regarde, regarde. En bas, en bas. Tape. Regarde là. Regarde là. Maintenant. Alors, qu'est-ce que le Seigneur vient de faire là maintenant? Qu'est-ce que vous pouvez observer? Vous, en regardant de vos yeux, lui faisant ça, vous pensez quoi au juste? Regarde là maintenant. Batane, tu vois dans l'onction qui est sur toi, non? Tu es resté, c'est venu se poser sur toi comme ça. La question maintenant, c'est que c'est si ça vient d'où? Il y a une barrière entre toi et moi. Il y a une barrière. Continue, continue. Là, là, là, là. Là. Là, elle a reçu une flèche. Ça, c'est dans le rêve. On lui a envoyé une flèche dans le songe. Même avec l'onction, sur toi, tu es fatigué. Fais. Monte. Au niveau de sa poitrine. Le derrière du dos qui est au niveau de sa poitrine. Vas-y. Donc, vous voyez que Patani a l'onction sur lui. De la prochaine fois, il y a un problème. Attaquez pour Patani. Sois prêt. Tu la surveilles. Hein. S'il arrive que. Donne-moi la main. Voilà, maintiens la main, maintiens juste la main. maintiens la mercé sur toi. Masso, lève-toi. Ça va, elle est libre. Assieds-toi. C'est bon, attention. Ceci va t'amener à faire, à reproduire même la scène, même si tu n'es pas présent, même si vous n'êtes pas deux. Tu penses qu'il peut venir pour toi? Ça, c'est l'oppression. L'oppression. C'est l'oppression ici. Tu vois, les hommes peuvent faire de t'arrêter comme ça, ils ressentent la même oppression. Ça, c'est l'oppression. Ça va t'enchaîner. Vous voyez, le genre, si là, ça pèse sur son épaule. Ça pèse sur son épaule. Vous prenez la Bible, vous lisez. Oh, ma soeur, comment tu vas? Il va bien. Le Seigneur est vivant. Si elle ne répond pas, le Seigneur est mort. Tu as besoin de délivrance. Dors, il n'y a pas encore la bouée. Tu es fatigué. C'est quoi le problème? Tu es fâché comme il dit que tu as besoin de délivrance. C'est quoi alors? Tombe la main alors. Viens prendre la main. Viens pas. Avec ça, vous ne pouvez pas servir le Seigneur. Vous allez beau monter un peu comme ça, vous n'allez pas servir le Seigneur. Vous allez monter et les gens sont assis aux épaules comme ça. Vous ne pouvez pas servir le Seigneur avec ça. Vous allez prier, bailler. Lire ce que vous pouvez lire. Rester le son, ça ne changera rien. Il faut que ces chars, il faut que ces êtres se quittent vos corps. Si ne quittent pas le corps, vous blaguez seulement. Tu es d'accord avec moi que s'il y a quelque chose, on enlève, pas vrai? Mm-hmm. Hmm? Ne crains pas, d'accord? Au nom de Jésus-Christ. Dis avec moi, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Encore. Au nom de Jésus-Christ. Encore. Au nom de Jésus-Christ. Frère de l'ancien, c'est toi que la police cherche. C'est toi que la police cherche. Dis au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Tu sais ce qui a amené ceci? Ça, c'est une pratique. C'est le style de pratique où c'est entre toi, seul et Dieu qui pouvait savoir ce genre de choses-ci. Un être ne peut pas savoir cela. C'est-à-dire que c'est entre toi, comme tu es devant moi là, n'est-ce pas? Il n'y a que... Bon, moi, en tant qu'être humain, je ne peux pas savoir cela. Il n'y a que toi et le Seigneur Dieu. Dans ces choses-ci. C'est ça qui amène ces choses-ci. Tu comprends ce qu'il dit? Tu penses que c'est quoi? Mets la main là sur ton ventre. C'est quoi, mademoiselle? On fait comment avec cette potion-ci? Prie alors. Parce qu'il a dit tout à l'heure que si quelqu'un demande quelque chose, il faut qu'on demande pour que la joie soit parfaite, non? Prie alors. Fais comme ça, chasse-moi, je marche sur l'oppression. Fais comme ça, tu arrêtes la grosse Bible. C'est comme ça que, je vais c'est comme ça que vous priez, non? Toute la nuit, les prières stratégiques. Les grosses Bibles en main n'effraient pas le démon. Les grosses Bibles en main. Matin, David Martin, version, tu connais la version de David Martin, Bible de Jésus-Christ, Bible de n'importe quoi, réveillez-vous maintenant là. Ça n'effraie pas le démon. Vivez dans la sainteté, observez maintenant la réaction, lorsque l'esprit est sur vous. Donc ça c'est l'oppression. Ça c'est l'oppression. Ça va arriver au niveau où les bases où on a fixé vont être challengées. C'est devant, en plein là. Voici les quatre cas qui sont les plus coriaces ici. Ça. Je crois qu'il ferait mieux de prier autrement maintenant. Viens là. Ne crains pas encore. Tu m'aimes, non? Est-ce qu'il y a quelque chose contre toi? Moi, j'ai le problème avec les gens qui ont le problème contre toi. C'est ça mon problème. Mon problème, c'est que si un être dans ta vie, en dessous de ta vie, dans le secret, il faut que j'en découvre avec. D'accord? Vous voyez cet esprit, ça? Vous voyez ça? L'esprit-ci va lui suggérer même les versets bibliques. Où est-ce que j'ai mis mon mouchoir? L'esprit-là, le sujet, les versets bibliques. T'es pas dans ta, dans, sa, dans ta pensée, tu crois que c'est le Saint-Esprit. Ça commence. Elle donne même les prescriptions du jeûne. Elle donne le sommeil ou les styles de songe qui... C'est les prémices maintenant. Ce n'est pas encore, ce que je viens de dire n'est pas encore arrivé. Ça, c'est l'oppression. Mais il y a les signes précurseurs de, la, de ces oppressions. C'est toi. Tu es quand même... C'est comme un morceau. Mais, dans le genre d'esprit, si donne le verset biblique, tes sujets même de jeûne, pour que tu crois que tu es confortable avec le Seigneur, pourtant il en est de prendre la place du Saint-Esprit dans ta vie. Ça. Après, à un moment donné, son corps change, se métamorphose. Il commence à ressentir des sensations bizarres. Ce que la Bible appelle par envie. Elle croit que c'est elle qui en a de faire. C'est si vous n'êtes pas, si vous n'êtes pas délivré de ceci, à un moment donné, vous commencez à avoir dans le ce qu'on appelle le truc, vous appelez ça quoi là? L'impudicité. Vous voyez un homme comme ça là, vous le désirez une fois. Vous voyez un homme, vous pouvez vous imaginer comment vous êtes avec l'homme, alors que c'est cette espèce qui en a de faire. Tu vas croire qu'il est à 21h que tu dois partir. Vous allez me tuer ici. Tu as su ce qu'il dit tout à l'heure, que c'est entre toi seul et Dieu. Tu veux qu'on parle? Oui. C'est quoi qui donne les questions? Avance au niveau de sa nuque, là, mon cher. Avance au niveau de sa nuque. Quoi, il ne parle plus. Allons-y. Continue là. Continue. Ça fait waouh. Mais voici, je suis parti, non? Ça, il faut enchaîner d'abord ça comme ça. Vas-y. Ça fait un. C'est entre tes mains, d'accord? Ça fait un. Quand il passe entre tes mains avec papa Daniel, haut là. Comment tu te sens maintenant? Tu penses que c'était quoi? Tu étais couvert par une ombre. Oh, mais il nous saisit comme ça là. Tu t'es enveloppé, mon cher. Essaie maintenant de respirer par rapport à avant. Comment tu te ressens? C'est différent. Maintenant, respire. C'est différent. Donc rentre dans la Bible maintenant, tu vas voir ce qui va se passer. D'accord, mon cher? La position. Vas-y. Donc tu as fait 5 minutes, tu es fatigué comme ça. Tu vois que si j'ai comme ça 10 personnes, moi, mais fais comment? Donald, c'est pas toi qui as dit que tu vas, je vais travailler avec Dieu. D'abord, tu es un ancien leader, non? Hein, frère Donald? Tu liderais comment? Ah, Seigneur. Ancien leader. Vas-y, frère Donald, frère. Hey, vas-y. Vas-y, vas-y, vas-y, vas-y. Vas-y. Vas-y. Vas-y, vas-y, vas-y. C'est sur toi maintenant. Voilà, c'est bon. Tu veux parler? Tends la main, madame, tends la main. Mets ta main. Entre toi et Dieu. Il dit qu'il devait te parler aujourd'hui. Et tu penses quoi là maintenant? Il dit qu'il devait te parler aujourd'hui. Il y a un deuil qui se prépare. Comme tu sais marcher, il faut aller marcher, tu vas voir. Encore 3 heures ici, là, comme ça. Alors moi, il dit, déjà, tu mets la chose sur elle, tu la fais rentrer avec cela. Hein? Non. On te souvient même ici dans la maison aussi. Et ton mari, et toi-même. Lâche la main, lâche la main. Maintenant, la main derrière son dos seulement. Vous allez travailler, vous le dites, vous les hommes là, vous allez travailler. Donc, il y a un deuil. Et ce deuil-ci ne voyage pas. D'accord? Quoi que je dis, ton mari est bien là. Il y a quelque chose d'anormal dans ses ventres aussi. Tu sais ça? Tu sais pas? Tu savais pas? La position. La position, va dehors, tu as des choses à dire là-bas. La position. La position n'est pas bonne. La position n'est pas bonne. Pas vrai, la position n'est pas bonne là. Hein? Comment? Et prier aussi. Tu veux qu'il prie aussi pour toi? Il dit qu'il devait prier pour toi. Mais on a dû le prier, non? Va dehors, tu dois parler avec quelqu'un. La position. Dis la position. Depuis ça, depuis comment tu vois? Oh. Tu vois seulement pour les autres maintenant. Priscille, assieds-toi bien là. Assieds-toi ici. On va prendre la bouillie. Je crois que certains d'entre vous aura la mémoire. Tu vois, ça y est, il y a quelque chose là. Ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon. Il faut qu'on ait le temps de prier. C'est ton mot. C'est l'air de vivre ce qu'elle dort déjà. Donc cette enveloppe noire qui te couvre, ça c'est ça c'est l'attaque. Cette attaque, si ce sont des êtres qui sont venus vers toi, jeter cela, cette enveloppe noire. Donc ça veut dire que c'était terminé pour toi. Tu ne sais même pas d'où tu sors là maintenant. Ils avancent dans le son, je donne quelque chose. Tu acceptes, ils donnent quelque chose, tu acceptes après. Fiona, comment tu descends? Tu es fatigué? Fiona. Tu as déjà mal où? Sur les pieds. Courage, d'abord. Ça fait 15 minutes que tu es là. Continue, frère. C'est ta soeur, non? Et si un membre souffre, voilà. En fait, tu n'es pas en train de souffrir, tu es en train d'apprendre à prier. D'accord? Depuis quand tu es avec la main imposée sur elle, tu penses quoi dans ton cœur? De lui donner la force. Hein, donc tiens la main sur elle pour la délivrer, tu es en train de donner la force sur moi. Donc, continue comme ça, merci. Merci pour la prière, continue mon frère. S'il y avait trois comme ça ici, comme toi, c'est que c'est vraiment fort. Donc mets la main là-bas, continue à prier pour moi, frère. Donc au niveau des trompes, voici quelque chose au niveau de... Oui. Viens donc, viens ici. Courage, d'accord. Mets la main au niveau de ta poitrine. Non, pas toi, celle-ci. Si ces choses ne sont pas ôtées, les pensées vont t'assailler, ça va te finir. Comment sont tes nuits? Non. Mais je regarde les animaux dans la nuit. C'est quoi ça? Comment ça? Aucune idée. Je regarde les animaux dans la nuit. Tu dis, comment tu dis? Aucune idée. Donc je parle. Hein? C'est l'animal dans la nuit. Ça, c'est l'attaque. Ça, c'est une attaque. Hey, madame. Assieds-toi ici. Il y a le truc comme ça qui prie dans son cœur. Le fait qu'il me localise. Voici le mot. Fait qu'il me localise. Qu'il me localise. Après, on doit encore le dire, mais regarde, je ne suis pas là. La localisation, papa t'a dit, la localisation n'a pas encore eu lieu. On fait mon coup de dire, il ne va pas où là maintenant. Fais. Regarde, toujours au niveau de sa poitrine, quelque chose. Il faut que ce qui est là, ce qui est collé là maintenant sorte. Il faut que ça sorte, il faut que ceci sorte. Pendant que tu t'as pensé, tu penses à quoi, frère Donald? Tu pries maintenant que quoi? Que. Quoi ça? Hein? C'est qu'il y a quoi là-dedans? Prie que Dieu me donne la force pour que je prie davantage pour les gens. Mets la main là-bas, tu pries que Dieu me donne davantage la force pour que je prie pour les gens. D'accord, frère Donald? Tu es un très bon frère. Hein, frère Donald? Ah, vous allez me tuer. À ce niveau-ci, pas là-bas. Voilà, là-bas. Mais maintenant, la main dit maintenant que sort de sa poitrine au nom du Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez, vous avez vu, non? Donc, il continue comme ça. Même si l'esprit sort, il ne saura pas. là où il est là, comme ça, il continue. C'est pas ça, mon cher. Tu dis sors de sa poitrine au nom du Seigneur Jésus-Christ. Avant que ça ne finisse d'abord, tu as encore dit sors de sa poitrine au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors maintenant, observez ceci. Lorsqu'il dit comme ça, là, il répète une instruction. À un moment donné, l'instruction devient une répétition. Voilà, voilà, voilà une chose. Allons-y. Dis-lui, sors de sa poitrine au nom du Seigneur Jésus-Christ. Sors de sa poitrine au nom du Seigneur Jésus-Christ. Sors de sa poitrine au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est lui qui le dit maintenant. Vous avez remarqué, n'est-ce pas? Ici, c'est lui qui l'a dit. Alors, c'est maintenant, comment il va, ce qu'il va faire, il va répéter ce que lui veut dire. Parce qu'il n'a pas eu de réaction. Or, sors de sa poitrine au nom du Seigneur Jésus-Christ. L'esprit a écouté l'instruction. Ce qu'il faut faire maintenant, c'est qu'il faut l'attendre. Il résiste maintenant avant que tu donnes encore l'instruction. Allons-y maintenant. Sors de sa poitrine au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il t'ordonne de sortir de sa poitrine au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je t'ordonne de sortir de sa poitrine au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ne vous inquiétez pas, il y a, je crois qu'il y a la bouillie, le truc. On va, mais il faut que ceci soit, se passe bien, pas vrai? Vous êtes d'accord, n'est-ce pas? Concentrons-nous ici. Pas, il y a le petit enfant là qui s'est fâché. Allons-y, allons-y, je t'ordonne de sortir de sa poitrine. Je t'ordonne de sortir de sa poitrine au nom du Seigneur Jésus-Christ. Touche au niveau de son épaule maintenant, au niveau de son épaule. Son épaule droit. Ça, c'est la gauche, mon cher. Maintiens maintenant. Je t'ordonne de sortir de sa poitrine au nom de Jésus-Christ. Je t'ordonne de sortir de sa poitrine au nom de Jésus-Christ. Frère David, tu as suivi ce qui était dit par rapport à l'enveloppe là, par rapport à cette chose noire qui te couvrait. Quand j'ai tapé sur ton dos, qu'est-ce qui est arrivé dans ton corps? Qu'est-ce qui s'est passé? Viens, tiens-toi ici. Comment dis-lui, sors de ta poitrine au nom de Jésus-Christ. Sors de sa poitrine au nom de Jésus-Christ. Oui, tiens-toi là, tiens-toi. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça monte, quelque chose monte. Normalement, tu es un aéroport pour quelque chose monte sur toi. Tu penses que c'est quoi qui montait sur toi? En quittant là-bas, tu savais que tu avais ça. Hein? Ah, Seigneur Jésus. Et quand c'est monté, ça allait où? Attends, sois frère. Tu vois que la sueur qui est sur toi, là, tu comprends que c'est le travail est fort, non? C'est ici, mieux on conduit la moto. C'est le travail le plus dangereux ici. N'est-ce pas, frère? Lève-la. Tu vois comment tu as la sueur? Tu vas où? Il dit que tu la lèves, non? Maintenant, tu dois savoir si oui ou non elle est libre. Quand tu l'observes, est-ce qu'elle est libre? Hein, mon cher? Pour savoir si elle est libre, tends la main au niveau de son ventre, tu maintiens ses mains. Tu vas savoir. Ne touche pas, il n'y a pas du tout son ventre. Et ça, c'est le ventre de ta femme que tu as touché. Tends la main seulement au niveau de son ventre. Ok, maintenant. Observe cette tête là maintenant. Baisse la main, baisse la main, baisse la main, baisse la main, baisse la main. Non, ta paume de main vers le sol, baisse. Tape maintenant au sol, tape. Tu vas travailler, t'inquiète pas. Comme tu sois derrière, tu te dis que qu'est-ce qu'il fait là-bas. Tu vas savoir ce qu'il fait. Tape, tape, tape, tape. Sa poitrine se trouve exactement là où ta main se trouve. Allons-y, tape. Tape. Tape. Tape. Parlez de diligence. Alors, vous allez alors apprendre soit ça à l'école. Comment? Tape, tape, frère, tape. Si tu es fatigué, ça ne marchera pas. Tu dois taper. Tu dois taper avec l'autre main. Tape. Tape. Tape. Tape. Tape. Tape. Tape. Tape. Tape. Voilà, maintiens, maintiens la main sur le sol. Alors, avec ça, tu penses qu'elle est libre? Hein? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Conduire à faire quoi? Non, le taper, c'est plutôt pour tester si vous pouvez savoir si vous ou non elle est là. Maintenant, cet esprit elle est là. Donc, qu'est-ce que tu fais donc? Commande-lui donc. Oh, c'est deux fois. Je te commande de sortir d'elle maintenant. Une fois. Je te commande de sortir d'elle maintenant. Deux fois. Et puis tu restes tranquille. Je te commande de sortir d'elle maintenant. Je connais maintenant comment prier aussi dans le cœur, mon cher. Là où tu es là, si le problème d'argent te trouble, ça ne peut pas marcher. Tu tends la main comme ça, là, tu dis que. Il me doit même combien 10 000. Ça ne marchera pas. La bouche de votre bouche du cœur doit être vierge. Doit être vierge. Les oreilles. Votre cœur doit être vierge, entendant seulement la voix du Seigneur. Alors là, vous pouvez parler avec votre bouche physique tout en priant. Tout en priant. Et la main qui l'a délivré, ils dorment, les deux dorment. Vous avez la même chance spirituelle. Vous m'étonnez seulement. Le même ministre se pose pas la question que, mais comment ça fait qu'il touche quelqu'un comme ça là sur la... On dit, c'est sur lui. Vous autres partagez les bouillies, les gens boivent. Je crois qu'avec ça, papa t'en sera éveillé. Les femmes la partagent le pain, non? Vous ne voulez plus? Donc, quand ces choses arrivent, quel qu'en soit, à quel niveau ça se trouve, pas d'opération sur le Seigneur faisant, d'accord? Tu comprends? Pas d'opération. Pas d'opération. Ézéchiel t'a raconté un rêve. Ézéchiel, viens. Assieds-toi. Pourquoi tu n'as pas raconté le... Pourquoi tu portes l'habit du mauvais côté ou sur le bon côté? Pourquoi tu n'as pas raconté le rêve à ton père? On chasse qui? On te donne d'abord la bouillie. Donne ici. On voit que le travail, c'est pas facile, non? crois que c'est fini, non? Hein, frère, ne t'inquiète pas, il y a ta bouille. Attends, reste d'abord tranquille. Tu vois que c'est fini maintenant, non? Hein? C'est fini à quel moment? Comment tu l'as vu sortir? Hein, frère? Ça va. Il y a une fille, ça fait... ça va, merci. Deux, trois ans, ça c'est... Trois ans. Elle invoque un style d'esprit. Elle est où? Oui. La raison pour laquelle je t'ai dit, c'est que pendant qu'on est prié pour toi, j'ai le même message qui t'avait été dit depuis trois années. C'est que le Seigneur t'avait fait sortir de là-bas pour que tu puisses lui parler. Depuis, tu n'es pas parlé vers elle. Tu te souviens de ce message-ci? Il était question que tu lui parles du fait qu'il faut qu'elle arrête ce qu'elle a de faire parce que ce qu'elle a de faire n'est pas de Dieu, l'esprit qu'elle a fait. C'est déjà effusion. Effusion. Le mot aussi, tu as dit quelque chose. Effusion de quoi? Du Saint-Esprit. Effusion du Saint-Esprit. J'avais parlé au moment où le message était reçu. Mm-hmm. Mais quand je suis allée, j'étais très furieuse. Elle m'imposait à. Donc, il faut aller vers elle parce qu'elle a besoin de délivrance, d'une sérieuse délivrance maintenant. Là. Donc, elle va arriver au niveau de là où elle commence à faire comme le médium. Maintenant, comment tu te sens? Frère Donald, lève-toi. Comment tu te sens? Je crois que quand tu vas prendre la bouille, ça va aller, non? Comment tu te sens maintenant? Je me sens la fatigue. Mmh. Et à l'intérieur de ton corps? Je me sens la légèreté. Bon, qui a prié pour toi? Le frère Donald. Va le saluer alors. Lui, il a coulé la sueur, il ne le voit pas, c'est pas la sueur de la bouille. Que le Seigneur te bénisse, d'accord? Lorsque la Bible dit fuyez l'impudicité, vous devez fuir parce qu'il n'y a pas deux moyens. Si la Bible a donné la solution, vous ne pouvez pas inventer une autre solution pour pouvoir esquiver cela. S'il a dit fuyez, c'est que la solution c'est quoi? Ok. Oui. Non, il ne parle pas encore. Mange, d'accord? Il ne parle pas encore. Tu as des questions à poser? Comment? La position, tu vas comprendre, n'inquiète pas. Toi, tu fais prêcher aussi. Comment tu te sens maintenant? Ta bouée. Tu ne bois pas la bouée. C'est qui là? Et tu donnes ma bouée alors? On n'a pas le pain au frère ici. Moi, il a donné le pain au frère, c'est même deux. De lui-même trois. Merci frère. Comment tu vas depuis? Très bien. Tu vas travailler. Tu vas. Je ne dis pas que tu vas trouver le travail quelque part. dis tu vas travailler. Tu aimes le Seigneur, non? Tu dis que tu l'aimes, non? Quand tu vas me sortir, tu vas. Un de ces jours, c'est la sueur qui va couler sur toi ici là aussi.